mignon, joli bouquet, les plus jolies fleurs du jardin. La rose et le brunet, le soleil chevalier de nuit. La rose et le brunet, le soleil chevalier de nuit. C'est pour Marie-Jocelyne, jardin de fleurs jolie. Passez bien à mon lit, fais la pluie tomber dans un temps. C'est sincérité. Bon Dieu, pour protéger. guerre, et c'est dans mon amour. Y'a ma foutu la guerre, bloqué, bloqué, c'est mon amour. Et c'est dans mon amour. Y'a pousse dans mon poule, bloqué, bloqué, avec mon bouquin. Et c'est dans mon amour, pas avec mon bouquin. Bloqué, bloqué, la guerre est dit. Et c'est dans mon amour, la guerre. Et c'est bloqué, bloqué, tout la guerre, fais mon balade. Et c'est dans mon amour, bras loin ça, fais mon balade. Bloqué, bloqué, fais moi ça. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Vraiment, à poursuivre sous pas plaqué. C'est l'amour, l'amour. Quelle belle toujours vous est. Quelle belle vous est sous pas plaqué. C'est l'amour. Quelle belle petite vous est. Quelle belle petite. Fais-moi mal à guerre. Fais-moi mal à guerre. Fais-moi mal à guerre. Fais-moi ça. M'a regardé pour moi. Quelle belle toujours. Quelle belle toujours. Où mettre quelle belle. Où mettre quelle belle. Allez, j'ai la petite fois. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est l'amour, l'amour. Pas même au bout, on va aller. Oui, c'est la balle. On va plaquer le corps.